Fabio Taillet. Radio Cayenne. En échange d'une trace de douceur, en rouge et noir. Oui, re-salut, vous êtes toujours sur Radio Cayenne, on est toujours le lundi 24 juin 2019, pour quelques minutes. Et je vais vous lire un petit récit de la fête de la musique sur l'île de Nantes ce vendredi samedi dernier. Donc c'est un texte qui a été publié par Nantes Révoltée. Donc qui synthétise bien tout ce qui s'est passé. Et je vous parlerai après de Steve, la personne qui est disparue depuis. Fête de la musique à Nantes, charge et lacrymogène, des fêtards tombent dans la Loire. Violence policière contre un sound system sur l'île de Nantes. Nombreux blessés et 14 personnes repêchées dans la Loire. Témoignage. Pour la fête de la musique, les autorités nantaises ont mis les grands moyens pour gâcher la soirée. Nombreuses patrouilles, police municipale et BAC omniprésentes dans des camions banalisés. Dès minuit, des stands sont verbalisés et quelques fêtards arrêtés. Tout est déjà en place pour faire monter inutilement les tensions. Mais c'est sur l'île de Nantes que la situation manque de virer au drame. Comme l'an dernier, le long du quai Wilson, un sound system diffuse de la musique techno. Gros succès au rendez-vous, des milliers de jeunes s'y retrouvent pour danser jusqu'au bout de la nuit. Mais c'est sans compter la répression aveugle qui frappe désormais tous les événements populaires. Vers 4h30 du matin, la police exige l'arrêt immédiat de la musique. Sans attendre, les forces du désordre gazent massivement, frappent et jettent des grenades de désencerclement. Cette violence inattendue contre une foule majoritairement jeune et enivrée provoque un mouvement de foule très dangereux. De nombreux fêtards tombent dans la Loire. Heureusement, des bateaux de sauveteurs patrouillent le long des quais et parviennent à repêcher des personnes dans le fleuve. Selon les pompiers, pas moins de 14 personnes ont été secourues dans la Loire. Nous avons recueilli plusieurs témoignages accablants. Une fêtarde nous écrit. On s'est fait gazer, matraquer, nous a lancé des grenades de désencerclement à la fête de la musique. Apparemment, les organisateurs n'ont pas coupé la musique assez vite. 3 personnes à notre connaissance sont tombées dans l'eau. On s'est pris des grenades et des gaz au bord de la Loire. Tout le monde avait un coup dans le nez, c'était la cata. Une personne, également présente sur les lieux, raconte. Ça s'est passé quand ils ont demandé de couper le son. Les organisateurs ont coupé, mais apparemment ils auraient fait chanter certaines personnes en remettant un peu de son. C'est là que ça serait parti. Il y a eu du gaz, des personnes sont tombées à l'eau. Pour la suite, je sais pas, mais pas mal de vedettes tournaient sur la Loire jusqu'à au moins 6h30 quand je suis parti. Elle poursuit, je crois que 2 personnes se sont faites interpeller. Ont été interpellées. Et un a été blessé à la tête par une grenade lacrymogène. Perso, je me suis fait agripper par un flic, puis repoussé en arrière parce que j'étais trop près. C'est encore un gaucho celui-là. Le chef est venu et m'a menacé de m'embarquer si je dégageais pas. Un de nos reporters qui se trouvait sur place confirme. Cette nuit, gazage, matraquage et crâne en sang. Tir de grenade de désencerclement de LBD. Une personne a pris 4 ou 5 balles, j'en croyais pas mes yeux. Plusieurs personnes obligées de sauter dans la Loire, c'était invraisemblable. Enfin, un fêtard habitué des manifestations nantaises rapporte. Ce sont 2 groupes du PSIG, donc peloton de la gendarmerie, qui sont arrivés appuyés par la BAC. Il y avait des CRS, des chiens. Ils ont gazé immédiatement et envoyé les chiens sur les gens. C'était vraiment sale. J'ai vu au moins 5 interpellations, des gens tabassés au sol. Au moins 15 camions de CRS sont arrivés. C'est débile de gazer juste à côté de la Loire. Les gens étaient poussés par le gaz vers le fleuve. En plus, il y avait des gens défoncés. Forcément, des gens ont répliqué. Il y avait des rangées de LBD braquées sur les fêtards. J'ai vu des blessés par les tirs et les grenades. Il conclut. Même en manif, je n'avais pas vu un tel déchaînement de violence gratuite. La presse rapporte également qu'un DJ a reçu un coup de taser alors qu'il mixait encore. Un drame a donc été évité de justesse, bon ça on va en parler juste après, cette nuit à Nantes. Et selon tous les témoignages, c'est l'intervention violente et aveugle pour empêcher une simple fête de continuer qui semble être à l'origine de la mise en danger de milliers de personnes. En France, toute expression de rue, militante ou festive, est désormais combattue par les autorités. Alors, donc il y a une personne qui s'appelle Steve, qui est un jeune nantais de 24 ans, qui n'a pas donné signe de vie depuis la charge de police le soir de la fête de la musique. Alors ce soir-là, il y a eu 14 personnes qui ont été repêchées dans la Loire, pour resituer un peu. Donc voilà, chaque heure qui passe renforce l'angoisse de la famille et des amis de Steve. Cela fait désormais plus de 2 jours que le jeune homme n'a pas donné signe de vie. Donc voilà, après là l'article rappelle un petit peu ce qui s'est passé cette nuit-là. Donc lundi midi, plus de 48 heures après la fête de la musique, les proches de Steve n'ont pas de nouvelles. Très inquiets, ils ont appelé les hôpitaux et les commissariats. Pas de traces du Nantais. Des amis étaient avec lui quelques minutes avant la charge. Ils l'ont perdu de vue et depuis plus rien. Un ami était encore avec lui 15 minutes avant qu'il ne disparaisse, explique une proche de Steve à France 3. Il est parti dire au revoir à des copains à lui. Quand il est revenu, Steve n'était plus là. C'était après la charge des CRS. Je suppose qu'il fait partie des personnes qui ont fini dans la Loire. Donc ce midi, les autorités confirment que Steve n'est pas en garde à vue et qu'une enquête pour disparition est ouverte. Le préfet annonce à la presse qu'il est en train de vérifier que tout le monde a bien été récupéré par les pompiers. Le même préfet assume pleinement la répression de la fête de la musique. Et donc potentiellement, voilà, les forces de l'ordre interviennent toujours de manière proportionnée. Mais face à des individus avinés, qui ont probablement pris de la drogue, il est difficile d'intervenir de façon rationnelle. Je pense qu'on peut méditer sur cette citation. D'Harcourt. Oui, du préfet d'Harcourt. Ouais. Un ami de Steve nous écrit « Notre petit groupe d'amis vadrouillait en groupe épars entre les Sun System. Vers 2h du matin, je m'assois sur les cailloux en face de la Loire. Steve vient me dire bonjour et on s'amuse car je lui sers un jus d'anis. Pas de drogue ni d'alcool à outrance à ce moment-là. Plus tard, je repasse par le quai en voiture et là, c'est la guerre. Il est 4h30. Les CRS avancent en rang serré. Lacrymo, grenades de désencerclement, des bouteilles répliquent. Ils visent avec leur flashball sur l'épaule. Avec leur LBD, on suppose. Les gens sont acculés au bord de la Loire. J'étais avec Steve de 1h45 à 2h15. Je ne l'ai pas revu après. Si vous avez une quelconque information à son sujet ou permettant de savoir ce qui a pu lui arriver, écrivez à ses proches ou à notre page. Nous ferons suivre. Alors, la page dont il est question. Bon, je suppose que c'est la page de Nantes Révoltée. Donc voilà, Nantes Révoltée sur Facebook. Donc voilà. Sur ce, ben, je pense qu'on. Est-ce qu'il y a des trucs à rajouter ? Peut-être on peut espérer qu'il soit rien arrivé de grave à Steve. Peut-être qu'on peut souhaiter de plein de courage à ses proches. Et voilà, moi je sais pas quoi dire de d'autre après un truc comme ça. Je sais pas, moi j'y étais effectivement et c'était extrêmement inquiétant comment ça s'est passé. Enfin, les gens captaient rien du tout et voilà quoi. Bon. Et oui, effectivement, même en manif, c'est des scènes qu'on a vraiment rarement vues. On peut rajouter, il y avait des craintes qu'il y ait des personnes qui se retrouvent aujourd'hui en comparution immédiate parce qu'il y a eu des arrestations. Il y a eu des arrestations à d'autres. Endroits dans le centre-ville aussi à Nantes, et du coup il n'y avait pas de comparution immédiate aujourd'hui, mais il y a quand même des keufs qui ont porté plainte pour des outrages ou des coups et blessures. Donc les keufs osent, après un truc comme ça, osent quand même se porter partie civile dans un tribunal. Et on peut aussi rappeler l'affaire de Taoufik, qui est quelqu'un que les flics avaient contrôlé, quelqu'un qui avait été porté disparu. Dont on a appris plus tard qu'il avait été contrôlé, que les dernières nouvelles de lui c'était un contrôle de police près de l'Erdre. Et les flics pendant tout un moment ont tué ce contrôle. Et en fait cette personne elle a été retrouvée noyée. Il y a eu un procès des flics, il y a des flics qui ont été condamnés, mais ils ont été condamnés pour faux témoignage. Et je sais pas si on saura un jour ce qui est arrivé à cette personne. Voilà. Je crois à l'époque, il y a un SDF qui s'était rendu au commissariat pour dire que c'était lui qui l'avait poussé, un truc du genre. Mais après, est-ce que c'était vrai ou pas? On peut dire, en fait, les flics, du coup, il y a 6 mois d'emprisonnement qui ont été requis contre eux. Et ils ont pris 4 mois de sursis. Ils ont fait appel. Et finalement, la cour d'appel de Rennes les a relaxés pour l'accusation de délaissement. Mais la cour d'appel a quand même confirmé la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour le faux témoignage. Parce que Taoufik, il avait été contrôlé en état d'ébriété. Et du coup, dans ce qu'après ont raconté les flics, après avoir dit qu'ils ne l'avaient pas vu, ensuite, quand il a été retrouvé, en fait, il avait de l'alcool dans le sang. Et il s'est trouvé que si vraiment ce que racontent les flics était vrai, qu'ils l'ont contrôlé et qu'ils l'ont laissé partir, ils l'auraient laissé partir près de l'Erdre avec un taux de 3,74 g dans le sang. Dans les trucs qui faisaient un peu qui laisseraient penser qu'il serait pas tombé tout seul dans l'Erdre, il avait des ecchymoses sur les bras et il avait pas d'eau dans les poumons. L'hydrocution aurait été indiquée comme cause de la mort et il y a effectivement une personne. Il y a une enquête qui a été menée à l'encontre d'un sans-abri et qui a été du coup suspecté d'avoir rencontré Taoufik et juste après les policiers et qui a été suspecté de s'être battu avec lui, et la procédure à l'encontre du coup de cette personne, elle a abouti à un non-lieu. Voilà un peu les infos. C'était en 2006 à Nantes. Vas-y dégage, Revolution Time. Vas-y dégage, Sammy Dobez, Mankola Wadi Sukondana International. Vas-y dégage, vas-y dégage. Khalli tahya al insaniya, shadi al hurriya qadim, w al thawra fi dam musghiya. Irhal dégage, vas-y dégage. Khalli tahya al insaniya. Jamais on va simuler, toujours prêt à s'immêler. Si pour les sacrifices, dis-leur qu'on va s'immoler. Qu'on boisise en vérité, nous on n'a rien à perdre. Car ce qu'on a en vérité, bah c'est une vie de merde. On a beau dire, répéter, t'en as rien à faire. Tu gères tes deals, ta mafia, tu gères tes affaires. C'est pour ton clan, ton parti, ta famille et ton fils. Et après toi, c'est le chaos, je vois très bien la bise. Le peuple n'aura peanuts, le trésor peanuts. Et dans les caisses de l'État, tu laisses peanuts. T'as volé l'or, tout l'argent et t'as vidé les comptes la nuit. Même la plus longue, on est le jour, on va régler nos comptes. Dégage! Allahu Akbar, O'alim, oui, nawar, li, kulifni. بلدي نفديها بعينيا نعطيها كل عمر هدية الله أكبر وعالم وينور لي كل ثنية بلدي نفديها بعينيا نعطيها كل عمر هدية. Tu voudrais qu'on se taise. Comment se taire, ça fait si longtemps qu'on nous pèse. La psyche je crève et dans les rues tout le monde en grève. C'est comme au Caire sur la place, y'aura pas de trêve. Tire sur la foule, quand on peut que tombe. L'amour on l'apprivoise, à la longue on s'est creusé des tombes. L'armée, les généraux, les blindés ne feront pas céder. Fort tes bombes, rien n'arrête un peuple décidé. Trop c'est trop, on en démarre, on dit trop c'est trop. La révolution voit le jour parce que trop c'est trop. Sans embâche, pas bardage, pas de marchandage. Ferme la page, plus bagage, démarrage. Vas-y dégage, vas-y dégage. Khalli tahya al insaniya, shadi al hurriya qadim, w al thawra fi dam musghiya. Irhal dégage, vas-y dégage. Khalli tahya al insaniya, shadi al hurriya qadim, w al thawra fi dam musghiya. لدي نفديها بعينيا نعطيها كل